bien du mal, maman, à voir le bien autour de moi, maman. Pourtant, je me souviens de toi, maman, quand j'étais petite, me disant qu'il y a toujours du bien dans chacun de tes enfants. J'ai bien du mal, maman, à me sentir bien devant ce mal permanent. J'ai beau fermer les yeux, c'est moche à dire, mais c'est hideux. Toutes ces idées que les hommes ont trouvées pour se rendre malheureux. J'ai bien du mal, maman, à encaisser le mal de l'autre, sans jamais pleurer, sans jamais me venger. C'est pas ma faute, rien que son regard est comme un coup de poignard. Là où il regarde, comment il regarde, je sais déjà de pas lui renvoyer tout ce mal. J'ai bien du mal, maman, à me préserver de faire du mal, maman. Tu sais combien il est malin, et moi, ma foi, je suis malin. Mais tu es là. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai bien du mal, maman, dans mon cœur à garder l'espoir sûr que mon voisin trouve la juste mesure. Il n'y a que te voir qui me rassure. Comment fais-tu? J'ai bien du mal, maman, maman parfaite, maman du ciel, si douce et si maternelle. Apprends-moi à faire à l'autre en face ce que je voudrais qu'il me fasse. J'ai bien du mal, maman, avoir le bien en moi, maman. C'est un effort à faire constamment. C'est comme s'il y avait toujours un peu de mal, malgré tout le bien que je veux faire.